se fait l'amour, on se fait la guerre. Dans ton regard, je me noie, je me perds. Je me tue à t'aimer à toute heure. Je joue à la roulette russe avec la balle. Tu es ma femme, tu attises ma flamme. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Ma drogue naturelle, c'est toi. Je vais me shooter alors, embrasse-moi. Je fais une crise de manque quand tu n'es pas là. Écoute ta voix. Ma drogue naturelle, c'est toi. Je veux me shooter alors, embrasse-moi. Je fais une crise de manque quand tu n'es pas là. Écoute ta voix. Je t'aime en chambre de frère. Si l'amour est une pépite, je veux le paradis. L'enfer est glacial. Je t'aime en chambre de frère. Si l'amour est une pépite, je t'aimerai jusqu'à l'overdose. Ta voix la plus belle de toutes les roses. Ton corps la plus belle rose. Tu me manques, me faut pas. Je t'aimerai jusqu'à l'overdose. Ta voix la plus belle de toutes les roses. Ton corps la plus belle rose. Tu me manques, me faut pas. Ma drogue naturelle, c'est toi. Je vais me shooter alors, embrasse-moi. Je fais une crise de manque quand tu n'es pas là. Écoute ma drogue naturelle, c'est toi. Je veux me shooter alors, embrasse-moi. J'ai fait une crise de manque quand tu n'es pas là. Écoute ta voix. En fait, tu m'as donné le plus beau des cadeaux. E-L-Z-O. La plus bonne des sucreries et le goût de ta peau. Je m'ennuie de toi, je tourne pas en rond mais en cœur. Oh oh, je vais pour te prendre la main. Pour aller sur le chemin de notre destin. Oh, je vais là où tu es plus proche. Je viens, mais tu sais, je t'aime tellement bébé que je devais t'aimer avant d'être né. Je t'aime quand je suis levé ou quand je dors. Si je ne t'aime plus, je t'aimerai encore. J'ai fait une crise de manque quand tu n'es pas là. Écoute ma voix. Ma drogue naturelle, c'est toi. Je veux me shooter alors, embrasse-moi. J'ai fait une crise de manque quand tu n'es pas là.